porte le matin. La vieille s'en vient, s'en va, accrochée au vieux chien, attachée au cabas. Tous les soirs, Dieu merci, c'est à Julien le Perse qu'elle raconte sa vie, ses peurs et ses détresses. Et elle se traîne dans une odeur de cire, elle se lamente, elle n'a plus de désir. Entourée dans un plaid, elle va finir sa vie, triste, fanée et laide, pauvre poupée jaunie. Ses amis la désertent, le thé n'a plus de goût, les bons gâteaux tout secs sont devenus tout mous. Et elle se traîne dans une odeur de cire, elle se lamente, elle n'a plus de désir. Personne ne va pleurer cette femme sans histoire, personne n'ira fleurir la vieille et sa mémoire, glissant sur son parquet, sur des patins faits main, elle revoit son passé, lui sourit. De longues journées pastel, des dimanches sans fin, une fin de vie sordide qu'on ne souhaite à personne, ennuyeuse à mourir, je voudrais pas qu'on me la donne. Porte le matin, la vieille s'en vient, s'en vient.